Il est 13h30 à l'écoute des programmes de la première et tout de suite Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, des chaînes à la productivité. La partie mécanique étant terminée, la carrosserie descend à son tour sur la chaîne. L'invention du management. Au management, il faut être intelligent, mais il ne faut pas être trop intelligent. L'amélioration des relations entre patrons et ouvriers crée un climat de détente même entre ouvriers. Un industriel place son argent, un banquier déplace le sien. Quand on est un grand industriel, on a le pouvoir de façonner le monde à travers les objets que l'on va produire en masse. Il y a des gens dont la puissance est faite de tout l'argent qu'ils ont prêté. Il y en a d'autres dont toute la force est dans l'argent qu'ils doivent. Marc Mously, vous êtes avec nous pour nous présenter quelques grandes figures du management dans cet ouvrage paru aux éditions Alternative économique, Les Petits Matins. Dans le chapitre suivant, Thomas Peters, de l'excellence au chaos, Thomas Peters va s'intéresser de près à la question de l'intrusion dans l'individu de ces problématiques à la fois de travail et d'organisation de travail. Pour Thomas Peters, en résumé, l'importance pour l'entreprise, ce sont ses salariés, ses clients et l'action. Il va développer un principe des 7 S qui est un peu trop long à détailler, qu'il vous faudra résumer, ça va peut-être pas être simple. Il fait paraître un ouvrage qui est un best-seller, le prix de l'excellence, et qui sera suivi du tome 2, si j'ose dire, La passion de l'excellence. Moi, je trouve qu'il aurait pu en même temps titrer, plutôt que La passion de l'excellence, La passion du raccourci, parce que j'ai l'impression, à vous lire en tout cas, que Thomas Peters, c'est vraiment quasiment l'inventeur du pitch. Je me suis noté cette chose que rapportait Michel Rocard dans un récent entretien, disant que parmi les conséquences qu'avait pu avoir l'arrivée du télégramme, ce qui avait d'abord disparu dans les correspondances, c'était la formule de politesse. Alors c'est bien beau d'aller plus vite, ce qui est un peu dommage, c'est quand on a l'heure, mais quand on n'a plus le temps. Alors Thomas Peters, de l'excellence au chaos, qu'est-ce qu'il apporte lui dans cette pyramide-là ? Alors ils sont deux, donc il y a Peters et Waterman, et bon, tous les deux donc anciens de McKinsey, hein. D'ailleurs, au début, ils sont pas anciens, ils sont chez McKinsey, consultants. Mm-hmm. C'est un phénomène de réaction comme on en a connu à plusieurs reprises. Hein. On a connu aussi avec Mintzberg par rapport à la planification. Peters et Waterman, ils disent, mais toutes ces analyses, tous ces travaux extrêmement complexes menés par des gens qui s'appuient sur des matrices de Harvard ou d'ailleurs, etc., en fait, c'est pas ça qui fait réussir les entreprises. Ce qui fait réussir les entreprises, c'est alors ce que j'appellerais une espèce d'élan vital, de prise en compte du client, ce qui est très bien d'ailleurs, hein, de partage d'une culture d'entreprise, de volonté de se défoncer, etc. D'une certaine façon, donc, ce à quoi vous faisiez allusion là, une espèce d'intériorisation de tous les objectifs de l'entreprise. Alors, là aussi, je suis forcé de parler comme tout le monde, parce que on a du mal à parler autrement, mais entreprise, faut bien voir quand même que ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. L'entreprise, c'est un ensemble d'hommes, de femmes, d'équipements. Hein. Mais évidemment, il y a les dirigeants, ceux qui ont les capitaux, les actionnaires, etc. Et puis, il y a tous les autres, hein, qui travaillent pour eux. Ces dirigeants, ils sont liés par un pacte d'associés, hein, qui va être une société anonyme, toutes les formes de société qu'on peut connaître. Hein. Et avec les gens qui travaillent sous leurs ordres, ils ont des contrats qui sont des contrats de travail. Hein. Donc, l'entreprise, ça ne forme pas un tout complètement homogène. Et chez Peters et Waterman, je pense partent un peu dans la mauvaise direction en disant bah, « Tout ça, ça forme un tout homogène, il faut foncer tous ensemble. » Des optimistes, à tout craint. Alors, ce côté optimiste, c'est un côté qui est positif, d'une certaine façon. Et cet aspect, justement, optimiste, cette intériorisation des objectifs, le fait de prendre en considération avant tout les clients, d'avoir une attitude bienveillante avec les collaborateurs, etc., ça a séduit considérablement. Moi, j'ai connu des entreprises où, dans des réunions de cadres, il y avait une palette de prix de l'excellence, et on en distribuait à tous les cadres, à l'époque. Ah oui, quand vous dites c'est une palette, c'est vraiment, il y avait une palette de livres. Et qu'on distribuait. Lisez-moi ça tout de suite voir La Vie en Rose. Oui, ils en ont vendu des millions comme ça. Bon. Alors donc, cette idée, toutes ces idées, puisqu'il n'y en avait pas qu'une, mais toutes ces idées qu'ils ont mises dans leur bouquin, ils les avaient eues en travaillant quand même sur des vraies entreprises. Hein. C'est-à-dire qu'ils avaient observé, parmi les clients de leur cabinet de conseil, les entreprises qui avaient les meilleurs résultats. Et ils ont essayé de comprendre, par des interviews, par des visites, par tout ça, comment ces entreprises obtenaient leurs résultats. Et la principale cause de ces bons résultats, ils ont trouvé que c'était ça, que c'était la culture d'entreprise partagée, les objectifs partagés, etc. Alors après, il y avait le reste, mais c'était la principale cause, quoi. Et c'est comme ça qu'ils ont théorisé cette espèce d'attitude où on met de côté tout ce qui est paperasse, tout ce qui est analyse trop poussée, etc., et où on travaille sur la volonté, le client, les bonnes relations avec les salariés, etc. Voilà. L'opposition qu'ils pourront rencontrer après, ou la critique, émanera-t-elle plus du milieu universitaire ou des chercheurs ou des sociologues qui reprocheront à ces deux-là leur aspect strictement homme de terrain, refusant toute approche intellectuelle, ou viendra-t-elle également de l'entreprise qui constatera qu'il y a quand même des dégâts collatéraux, parce que quand on intériorise les nécessités de l'entreprise, ça peut vous valoir quelques désagréments pour l'estomac ou autres organes exposés. Alors, les critiques, elles viendront d'abord des gens qui observent le management, des chercheurs en management, voire de quelques journalistes d'ailleurs. Parce que, disons que 18 mois après la sortie du bouquin, les grandes entreprises citées à l'envi dans leur bouquin et sur lesquelles ils s'appuyaient beaucoup n'avaient pas toutes connu un sort très favorable. Il y en avait plusieurs qui avaient eu de très grosses difficultés. Donc les recettes qui étaient basées sur leur réussite, bon, on pouvait les mettre en cause. La réussite, elle tenait à des tas de choses, souvent conjoncturel, et pas seulement à ce que Peter et Waterman avaient isolé, quoi. Et puis ensuite, il y a eu la deuxième critique qui était celle de chercheurs, en particulier de chercheurs français, qui ont dit, mais attendez, vous vous rendez compte que là, vous agissez sur ce qu'il y a de plus profond dans l'homme, c'est-à-dire que vous agissez sur son imaginaire, vous lui faites prendre à sa charge l'ensemble des problèmes de l'entreprise. Et ça risque de le détruire de façon importante. Vincent de Goljac, par exemple, qui avait écrit un livre qui s'appelle « Le coût de l'excellence » et non pas « Le prix de l'excellence ». Il écrit quand, ça ? Alors, aux environs. Aux environs dans les années 70, quoi, au début des années 70. Quoi. Parce que d'une certaine manière, Peters et Waterman ont quasiment mis l'index, ou je ne sais quel doigt, sur quelque chose qui va arriver malgré tout dans l'entreprise. Je veux dire par là que la révolution informatique, l'omniprésence de la communication par les mails, etc., c'est quelque chose qui va être de plus en plus montré, souligné, voire dénoncé, en disant oui, définitivement, maintenant, l'entreprise est systématiquement intrusive auprès de l'individu. Est-ce qu'ils en sont d'une certaine manière un peu les précurseurs, bien qu'ils, eux, parlent de tout à fait autre chose ? Oui, ils en sont les précurseurs, oui. Oui. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on reproche surtout à tous ces systèmes, dont on se sert tous les jours, et des heures par jour, tout ce qui est TIC, comme vous dites, mail, SMS, etc., c'est que... C'est la laisse. Ils ont réussi. Avec l'éthique, ont réussi ce que Peter C. Waterman n'avait pas complètement réussi. C'est-à-dire à faire en sorte que l'entreprise soit intégrée dans la vie de l'homme bien au-delà de son travail, et pas seulement parce qu'il le veut, parce qu'il a adhéré à une certaine conception de l'entreprise, à ses objectifs, etc., mais aussi physiquement. Parce que parce que à toute heure du jour, il va avoir un rappel, il va avoir une information qu'il va vouloir traiter ou qu'il faut qu'il traite, Et d'une certaine façon, le prix de l'excellence, c'était un peu précurseur, effectivement, de cette intrusion massive qu'on reproche aujourd'hui, quoi. Models and the metaphors of the past have been the manager as a cop, as a referee, as a devil's advocate, as a naysayer, as a pronouncer. The words that we found that seem much more appropriate in the excellent companies are the manager, the leader, as a cheerleader, as a coach, as a facilitator, as a nurturer of champions. The drumbeat and the drumbeat that has been so sadly missing was it all comes from people. Marc Mousseli, on est bien d'accord que les entreprises dont vous nous parlez jusqu'à présent sont essentiellement des entreprises dont la première vocation est d'être commerciale. Ce sur quoi ces penseurs du management travaillent, ce ne sont pas des entreprises ou plus exactement des établissements qui pourraient s'appeler écoles, universités, hôpitaux, radio ou télévision de service public ou que sais-je. On est encore dans... l'entreprise créatrice d'objets et une entreprise commerciale. Non. Non. Non, non. Ah. Non. Par exemple, l'un des papes du management, Peter Drucker, a fait un livre sur, même plusieurs, sur le management des associations ou des organisations sans but lucratif. Il envoyait même des patrons d'entreprises privées quelconques faire des stages à l'armée du salut ou dans les hôpitaux, parce qu'il estimait que, il connaissait bien sûr, hein, que dans ces établissements, il y avait des dispositifs de management qui étaient supérieurs à ceux qu'on connaissait à l'entreprise. Parce que dégager du profit ? Pas forcément. Pas forcément. Non, tout simplement parce que il y avait un bon directeur d'hôpital qui avait bien organisé son affaire, etc. Bon, Mary Parker Follett, vous avez vu son parcours, elle venait d'un milieu qui était essentiellement caritatif, hein. Si on regarde donc l'ensemble des organisations, comme a pu le faire un type comme Mintzberg, par exemple, dont je parle aussi, Henri Mintzberg, vous apercevez qu'il y a des points communs extrêmement importants entre les différents types d'organisations. La façon de donner des ordres, si on donne encore des ordres, la façon de considérer un salarié, de se dire qu'il faut que dans la durée... il progresse, qu'il faut continuer à le former si on veut qu'il soit encore employable dans 15 ans. Tout ça, ça vaut aussi bien pour une entreprise publique, une administration, que pour une entreprise privée. Donc, il y a de très très grandes surfaces de recouvrement entre le service public ou le service du public et le privé. Living through the years of the emergence of Hitler in Germany as a very active journalist, I can claim to have been one of the very first ones who saw Hitler as the real danger. I was simply scared. First, I also had read Mein Kampf. I realized that Hitler meant every word of it. Marc Mousseli, avec Peter Drucker, inventeur du management moderne, vous concluez votre ouvrage « Les grandes figures du management » paru aux éditions Les Petits Matins Alternatives Économiques. Parmi les faits d'armes de Peter Drucker, il y en a quand même un sur lequel on peut éviter de se pencher, puisque le bonhomme a interviewé un certain Adolf Hitler. Enfin, il n'a pas fait que ça dans sa vie, loin s'en faut. Mais imaginez que cet homme-là a à la fois posé des questions au Führer allemand et en même temps était l'inventeur du management moderne, avec cette base qui est de dire l'entreprise, elle est au cœur, quasiment de tout. Elle est au cœur de la cité, dans le sens où c'est par l'entreprise que se régente la vie familiale, les transports, la santé, enfin tout. Voilà. Que faut-il penser de Peter Drucker, sachant bien qu'une fois qu'on a dit qu'il interviewait Adolf Hitler, il fuira très rapidement l'Allemagne nazie. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur lui. Je peux peut-être dire quelques mots que j'ai relevés dans votre ouvrage. Les rôles du manager selon Peter Drucker. Pour Peter Drucker, le manager, il faut d'abord définir la mission de son entité, fixer pour ses équipes des objectifs clairs, ce dont on avait parlé un peu avant, analyser et organiser le travail, informer et écouter ses employés, prenez des notes, ceux qui nous écoutent, évaluer les résultats au moyen de normes spécifiques, fiables et pérennes, former ses collaborateurs en permanence. Il nous invite à un monde idéal, ce cher Peter. Pas vraiment. Hein. On peut penser qu'il a fait beaucoup progresser par un mélange qui est à peu près unique, hein, de grande culture générale, de grande ouverture, hein, et puis d'une certaine rigueur. Hein. Alors ce que vous venez de lire, là bien sûr, c'est des aspects qui sont relativement rigoureux. Hein. Drucker, c'était un homme qui, s'il fallait lui accoler un seul adjectif, c'était un homme qui était pragmatique. Pragmatique. Il a écrit un best-seller absolu qui était La pratique du management. En français, on avait appelé ça La pratique de la direction d'entreprise. Hein, surtout pas les principes. Voilà. La pratique. La pratique. Hein. La pratique. Il a refusé le titre des principes. Voilà, voilà. Son éditeur lui avait dit, si on l'intitule Les principes, on va en vendre beaucoup plus. La pratique. Quand vous parlez de sa jeunesse, hein, avec l'interview de Hitler, qui est, très vite il a compris ce que c'était que le nazisme, et il s'est empressé de partir en Angleterre puis aux États-Unis, hein, alors qu'il n'était pas juif, il était d'une grande famille de fonctionnaires viennois, mais il a quand même compris tout de suite. Alors, il partait toujours de l'observation. C'était un homme qui était, au départ, il était rien, c'était un garçon viennois de bonne famille, qui était très attiré par le monde qui l'entourait, par les pratiques justement des gens. Il a fait des interviews de ses proches qui sont fantastiques, hein, dans un livre de souvenirs qu'il nous a laissé. Et à 18 ans, quand il a eu passé l'équivalent du baccalauréat, quand il a fini ses études secondaires, il n'a pas voulu aller à l'université. Il a voulu aller travailler. Et il est parti travailler. Alors il est parti en Allemagne, il était viennois, bon... Et en même temps que ces travaux qu'il faisait dans une entreprise d'assurance, je crois, ou quelque chose comme ça, il allait à l'université où il prenait des cours de droit. Hein. Mais sa caractéristique, ça a toujours été ça. Ça a toujours été vouloir être là où les choses se passent. Hein. Vouloir observer les choses telles qu'elles sont. Pas de théorie, pas de grandes idées qu'on essaye d'appliquer ensuite à grand mal aux réalités. Et cette caractéristique de Drucker, cette volonté d'être toujours le praticien avant tout, l'a accompagné, je crois, toute sa vie, hein, puisqu'il est mort à plus de 90 ans, il était encore en train d'écrire un livre. Et ça en fait un personnage tout à fait particulier, tout à fait extraordinaire. On l'a appelé le pape du management. Mais en même temps, il avait compris ce que vous venez de dire, c'est-à-dire le fait que l'entreprise, c'est pas seulement un grand atelier où il faut serrer les boulons, contrôler ce que font les gens, leur fixer les objectifs, vérifier, etc. Tout ce que vous avez dit là. Mais que c'était aussi effectivement un îlot qui était un îlot très connecté à la cité. Très systémique, là aussi, très global. Et que si on voulait que les entreprises soient des entreprises qui progressent, il fallait aussi qu'elles fassent progresser l'environnement. Il fallait aussi qu'elles fassent progresser la santé. Hein. Il s'est intéressé donc beaucoup aux hôpitaux, il s'est intéressé aux ONG, pour être rapide. Il s'est intéressé beaucoup à la culture. Hein, et il avait une connaissance extraordinaire par exemple, de l'art japonais. Il a donné des cours d'art japonais. Il s'est intéressé aussi à la spiritualité. Il a donné des cours de théologie. Enfin, il s'intéressait à énormément de choses, quoi. Et je crois que sa leçon, sous cet angle-là, hein, c'est-à-dire en le présentant bien comme il était, hein, c'est-à-dire un homme très ouvert sur tout, ça devrait être au cœur de l'enseignement qu'on donne au futur manager. Futur manager, il devrait passer du temps à aller visiter quelques expositions, à lire quelques livres de philosophie ou d'histoire. En aucun cas, se focaliser sur les outils, les instruments, etc. Et ça, je crois que c'est la grande leçon de Drucker. Drucker, c'était un visionnaire. Hein. Il avait compris avant tout le monde, par exemple, le rôle que joueraient les ordinateurs dans les entreprises. Dans un de ses livres, qui est paru autour de 90 à peu près, donc il avait été écrit dans les années 80, hein, il fait une description de ce que sera Internet, par exemple, qui est hallucinante. Hein. Il dit, c'est simple, il dit, j'ai un téléphone, j'ai un ordinateur, j'ai des réseaux, là, mais on devrait pouvoir faire quelque chose avec ça. Il explique ce que sera Internet. Donc, un type qui avait une vision assez extraordinaire, et à mon avis, cette vision, elle lui était permise par sa grande culture générale. I know a good many managements who do absolutely idiotic things and dangerous things just to make the books look good. And in every scandal of the last 10, 15 years, every one of those collapses, management began to fake the books to make themselves look good the next 3 months. The temptation is very great. Does that worry you? Yes. Yes. It corrupts management. Est-ce que un homme comme Peter Drucker ou d'autres dont on sent qu'ils raisonnent en termes de système, qu'ils s'attardent sur la question de la cité, sont en connexion avec le politique, soit parce qu'à un moment ils peuvent être tentés d'y aller, soit parce qu'il y a des voies qui s'ouvrent, soit parce que les politiques se tournent vers eux parce qu'ils sont évidemment des diagnostiqueurs extrêmement précis. Quelle est la part de dialogue entre des gens comme ça et puis le monde du politique? Ou est-ce que, pour le poser autrement, Peter Drucker évitera à tout prix de s'engager dans la voie politique en sachant bien que la possibilité de pouvoir appliquer du pragmatisme à toute heure n'est pas toujours au rendez-vous? Oui, effectivement, Drucker, à ma connaissance, n'a jamais beaucoup frayé avec les politiques. Les gens qui se sont approchés de la politique n'y sont jamais restés. Des gens comme Michael Porter, qui est aussi un auteur dont je parle, hein, qui pendant un moment a fait partie de comités, c'était sous Reagan, mais enfin ça aurait pu être sous un autre. Hein. Ils ont donné des conseils, ils ont fait des analyses, ils ont donné des diagnostics, mais c'est tout. Hein. Ils se sont jamais intervenus vraiment dans la politique. Hein. Parce que je pense qu'il y a quand même un éloignement, enfin une distance. Plutôt qu'un éloignement, une distance quand même assez forte entre ce monde de l'entreprise qui est pragmatique, qui cherche toujours à être en résonance avec son temps. Quand il y a un problème, un dirigeant d'entreprise qui est digne de ce nom, il cherche à le résoudre le mieux possible. Il va pas chercher midi à 14h, si vous voulez. Et ce monde-là est quand même très différent du monde politique. Hein. Lorsqu'un politique, par exemple, a un problème et qu'il demande un rapport, le sort du rapport, la plupart du temps, c'est de finir dans un tiroir. Tout dépend de ce que l'on entend par état et effectivement finalité du rapport. Et là encore, je pense qu'on retrouve la question de l'échelle entre une Chine à la démographie immense, une Russie à la géographie très étendue, ou une Suisse toute petite aux infrastructures extrêmement performantes. C'est pas le même état quand on parle d'état. Je connais pas très bien sûr le fonctionnement de la Suisse, hein, mais ce qu'on voit, alors moi j'ai fait plusieurs rapports avec ma casquette de prospectiviste plutôt qu'autre chose, et des rapports sur lesquels on a fait travailler des groupes pendant souvent 18 mois, hein, et puis quand on les rend, j'en ai rendu un il y a quelques temps, là, avec Michel Godet, avec qui je travaillais au Premier ministre, qui était M. de Villepin. Bon, on avait 10 minutes pour lui présenter, et puis après, c'était fini, quoi. on avait travaillé 18 mois à 20 là-dessus, quoi. Vous voyez qu'à la RTS, vous avez plus de temps pour vous exprimer qu'à Matignon. Voilà. Donc choisissez plutôt la RTS. Et puis, c'est normal parce que dans une entreprise, vous avez un pouvoir qui est un pouvoir immédiat. Vous ne faites pas une étude pour faire une étude. Vous ne faites pas un rapport pour noyer un poisson la plupart du temps, sauf dans de très grandes entreprises où ça arrive aussi. Mais quand vous êtes un manager efficace, si vous faites étudier un problème, c'est parce que vous avez cherché une solution. Alors ensuite, vous pouvez prendre celle qui vous est proposée ou pas, mais en tout cas, ça vous aura servi à quelque chose que d'avoir des gens qui ont analysé. Hein. Bon, en politique, vous n'avez pas les mêmes objectifs. Vous n'avez pas, les contraintes sont extrêmement différentes. L'entreprise et l'État, c'est pas la même chose. Et ça ne dialogue pas, ou mal. Ça dialogue, mais sur d'autres terrains. Alors, vous avez aujourd'hui une compréhension beaucoup plus grande qu'il y a quelques années par l'entreprise du fait qu'elle est englobée dans un environnement qui est un environnement multiple, un environnement donc qui est un environnement écologique, politique, sociétal. Et les entreprises les plus conscientes, les plus performantes, ont pris en compte cette présence de l'entreprise dans un environnement plus large. Alors qu'avant, bon, c'était un peu... Il y a beaucoup d'entreprises qui se comportaient comme si elles avaient été hors sol. Bon, ça, de moins en moins. L'entreprise... La famille, seule au monde, ou moi d'abord. Voilà. Donc on a ce lien qui est indispensable, hein, avec la ville, avec l'écologie, avec les associations qui y entourent. Bon, on a quand même inventé ce mot de stakeholders, hein. Stakeholders, qui est construit sur le shareholders. Le shareholder, c'est l'actionnaire, hein, celui qui détient des actions. Et le stakeholder, c'est celui qui a un intérêt dans le fait que l'entreprise fonctionne. Alors cet intérêt, ça peut être un intérêt positif, hein, parce que il fait partie de la famille d'un cadre ou d'un ouvrier de l'usine. Ça peut être un intérêt négatif, hein, parce que c'est un voisin de l'usine et que l'usine fait du bruit, émet des pollutions, etc. Hein. Mais que ce soit positif ou négatif, ce sont des gens qui sont des ayants droit, qui sont des ayants intérêt, si vous voulez. Et ça, on en tient beaucoup plus compte dans l'entreprise qu'il y a seulement 15 ans, quoi. De l'autre côté, on a des problèmes qui sont peut-être plus compliqués. Quand on se place de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des pouvoirs publics, des élus, des politiques. L'entreprise est rarement considérée dans sa globalité. L'entreprise, on dit, tiens, c'est un truc qui va me permettre d'avoir des emplois sur mon territoire. Hein. Mais on ne sait pas comment elle fonctionne, on s'en moque un peu. Ou bien l'entreprise, c'est quelque chose qui va me perturber mon immobilier, parce qu'ils tiennent beaucoup de place et je préférerais avoir autre chose à la place. Hein. Ou l'entreprise, c'est quelque chose qui va me coûter, parce qu'ils ont besoin de route pour leur camion, etc. Mais la vision globale de l'entreprise, il est rare qu'elle soit chez les élus. Alors que chez l'entreprise, dans l'entreprise, souvent maintenant, on a une vision globale de son environnement. Marc Mousseli, Les grandes figures du management, c'est paru aux éditions Petit Matin Alternative Économique. Merci infiniment d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Je vous en prie, merci de m'avoir reçu. Demain, un nouvel invité, Pierre Lannoy, sociologue, il enseigne à Bruxelles. Avec lui, nous poserons la question, qu'ont donc en commun Henry Ford, Louis Renault et Adolf Hitler. À demain.